Ghana. Un pour tout. J'suis entêté, j'peux rapper jusqu'à m'endetter. Enfermé à taffer tout l'été, et toi où t'étais? M'entends-tu? J'suis têtu, il faut que ça tue. Je sais qu'on ne m'attendait plus, tu peux m'appeler l'inattendu. Le même à la dent dure, crâne rasé, pas de teinture. J'suis venu refaire la peinture, tu peux prévenir les petites impus. Mon crapule, j'allume tout, on ne m'éteint plus. J'suis toujours chaud, j'ai pas besoin de me mettre impu. Chaque rite te raconte une histoire, t'as vu nos têtes, c'est juste le vécu qui se reflète. Le poids des années dans les regards, on peut pas rattraper le retard. Tu sais jamais combien il reste. Un beau jour, la faucheuse te teste, ça finit toujours dans le noir. T'emmènera ni la gloire, ni ton or. Rien de plus précieux que le temps. Pas sûr que t'en aies assez pour tous tes plans. Vagabonder sur les planches avant la dernière symphonie. Quand viendra l'heure du clap de fin, ce serait bien que je regrette rien. J'irai gratter un dernier 16 avant que batte mon dernier souffle. J'ai vu la lumière dans la fumée d'un brouillard qui sentait le soufre. Alors on se bouscule dans la fosse, ça sent pas bon pour ceux qui toussent. Si t'as pas les épaules solides, prends tes bûches, tape la course, on s'en sort comme on peut. Depuis petit peu, je suis un vaillant. Je sais qui sont les vrais, mais pour demain, je suis pas voyant. J'ai pris la vie en aboyant, une sale bête qu'on a pas raté. Mais rien à foutre, je suis incroyant, je passe mon dernier temps à rapper. J'ai pris l'info, je suis rentré, j'ai fait mon insomnie, mais j'ai vite compris qu'il faudrait qu'on ait tous les reins solides. 1. Univers insolite. 2. Univers son libre, j'ai écrit chaque texte comme si c'était ma dernière symphonie. Des phrases qu'on étalonne sur papier quadrillé, des testaments où on dit totalement tout ce qui nous a fait vriller. Ne tourne pas les talons, reste un homme, souhaite la paix. Peace, salam et shalom de mars à février. Besoin d'un tout dernier drama, digne d'une tragédie grecque. J'écoute du rap depuis le début, génération Y. J'découpe des prods depuis un bail, j'en avale même au petit-déj. J'suis envoûté par ce truc-là, mais d'où vient ce sortilège? J'esquive la dernière, pas l'attends, le canon posé sur la tente. Je calcule pas, je vais de l'avant, tu me verras jamais à plat vent. Pour réussir, il faut des tripes et savoir saisir sa chance. Dans le fond, je sais qu'elle ne m'aime pas, mais putain, qu'est-ce que j'aime la France. Des moments durs à partager, avant ma dernière carte à jouer. Ici, c'est pas Carthagène, mais on garde les marques de fouet, ta race. C'est un monde fêlé, en acry. Mes félonies, que de la merde à la télé. Peut-être ma dernière symphonie. Le passé reste scellé derrière, mais nique ta mère. Si t'es là pour me faire monter les nerfs, tu deviens lunaire. Des proches au dernier souffle. Astor, c'est toi qui souffle, c'est ceux qui restent, c'est ceux qui morfent au milieu de tous. J'ai pas fini ma rime, arrête de dire que ce game est sale. A chaque mesure qui passe, crois-moi que c'est pas le dernier message. Je n'ai pas toujours été sage, disons plutôt nocif. J'tapais mon blaze à la baranne dans des endroits peu cosy. Des fois, j'suis un peu trop déter, surtout quand j'touche le fond. On a toujours gagné la guerre, j'apprends de bonnes leçons. Caravane prod ne sert au mic, j'écris ma rage sur track. On a la dalle, on vient d'en bas, gros, j'fais que l'état et tout sera. J'irai jusqu'au bout parce que les regrets me cassent la tête. On n'a pas tant les crocs que ça puisqu'on lâche parfois le steak. Jusqu'au bout on le dit pour se motiver mais on veut pas se l'admettre. On noie le tout dans une canette en se disant qu'à cela ne tienne. Mais je vais au bout de mes projets car je me sens vu de là-haut. Tous les pipao de la vie m'ont pas mis KO. Passe tes nerfs à vif en boxant un petit pao. Quand la tête fume au foyer comme dans une pipao. Niquez vos mères, j'appuie seul à élever un fils à m'élever moi-même. M'enlever de la merde où des hommes faibles gravitent. Rapper sur des mélodies défoncées comme Lenny Kravitz. Flèche dans la coursive, j'connais le raccourci. 8 ans j'enterre mon père, j'ai appris solo les consignes. J'fais genre j'me reconstruis entre la drogue et les conflits. J'attends à mort qu'arrive la dernière des symphonies. Le jour de la dernière carte quand le château s'apprête à vaciller. Que ce soit d'un souffle d'espoir, pas d'un soupir moment gaspillé. Autrement dit, j'veux regarder les branches qui poussent, pas celles qui étouffent ou celles qu'on a sciemment sciées. Que cette dernière carte aussi tranchante soit-elle ne soit pas faite que de bluff, parfois loin du prince charmant. La grenouille se faisait plus grosse que le bœuf. Mais que ses coupures soient belles, et pourvu qu'elle me rappelle que malgré le scalpel, la cicatrice en vaut la chandelle. Encore.